Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, au microphone Danny Veilleux, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que hier on a parlé avec François Laberge. On a fait un peu le bilan de la saison des Gaillards de Jonquière. On sait que les Gaillards ont remporté le bol d'or lors d'un match qui avait eu lieu au centre Claude Robillard. Ils ont gagné 45-13. Et pour François Laberge, c'est la deuxième conquête du bol d'or en 3 ans. Et cette conquête est différente de l'autre, explique l'instructeur-chef des Gaillards. Différent. Celui-là, il était particulièrement bon parce que l'écart de points dans le match m'a permis de le savourer dans les derniers moments du quatrième quart. Donc, quand il restait 6 minutes, on gardait les gars focus, mais on commençait à le savoir pas mal qu'on allait gagner. Donc, j'ai pu plus savourer les derniers moments du match. Puis aussi, les attentes étaient plus grandes cette année. En 2016, les gens nous avaient pas vus vraiment venir. On avait terminé 2-6 l'année d'avant, pas fait les séries. Là, on arrive en 2016, on gagne des matchs, finit la saison 8-0, on gagne encore de finale contre Chicoutimi, gagne en demi-finale contre Saint-Hyacinthe, puis on bat Champlain-Saint-Lambert en finale. Fait que c'était comme un bol d'or qui était comme inattendu. Cette année, il y avait beaucoup d'attentes au cégep, les gens avaient des attentes, les gens dans la Ligue avaient des attentes, les gens au Québec, les nouvelles, tout le monde avait des attentes. Donc, c'était celui-là, il est particulièrement satisfaisant à cause, justement, qu'on réussit à répondre aux attentes que toutes les gens avaient envers nous. Puis on a vraiment dominé, en plus de cette façon-là, là, l'ensemble de notre saison, sauf la demi-finale. Fait que ça amène une touche particulièrement satisfaisante à cette saison-là. Si on parlait, François, du côté de... Dans un deuxième temps, François Laberge ne ferme pas la porte à un transfert en Division 2, mais l'équipe devra être compétitive. Je veux y aller en D2, mais j'irai pas pour pas être compétitif. Si je vais en D2, c'est parce que je veux être compétitif, mais la porte est ouverte. La LHQ nous en parle. C'est sûr que les gens sont intéressés, voient ce qu'on fait. On est reconnu provincialement maintenant avec 3 apparitions au bol d'or en 3 ans. Si tu regardes ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui le font. Cette année, dans toutes les 10 équipes présentes au bol d'or, on était la seule équipe invaincue. Fait que c'est sûr qu'on fait des choses qui sont vraiment hors du commun. Mais maintenant, si nous, on monte comme organisation, on montera pas pour aller jouer touriste en D2, c'est sûr. Puis il faut voir aussi, moi j'ai hâte de voir sur les bons joueurs régionaux parce qu'il y a du talent exceptionnel cette année. Mais est-ce que ces gars-là vont aller jouer en D1 ou ils vont décider de rester dans la région pour faire confiance aux organisations de la région? Je pense que ça va me donner un gros indice parce que si à chaque année tu perds tes meilleurs pour la D1, tu peux pas être compétitif en D2 si tu perds les 5-6 meilleurs à chaque année. Puis que les autres se répartissent sur 3 équipes. Puis il y a beaucoup plus de voyagements, ça coûterait beaucoup plus cher. Également entretenu avec le gardien de but des Saguenay de Chicoutimi, Alexis Schenk, hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com. Alexis Schenk qui connaît toute une saison avec les Sags. Et Alexis Schenk a mentionné que le fait qu'il connaît une excellente saison, c'est dû en grande partie à la forme et à l'entraînement qu'il a eu cet été. Il n'avait pas trop gaulé en fin de saison, en série non plus. Fait que cette année, je pense que. Qu'est-ce qui fait mon succès en ce moment, c'est mon expérience que j'ai pris l'année passée. Je savais à quoi m'attendre en m'en venant ici. Puis je me suis vraiment entraîné fort cet été. Tichin mentionne que sa relation avec Zachary Boutier est très très bonne. Je connais depuis l'année passée, puis on n'a jamais vraiment eu de chicane. Ouais. On s'est toujours bien entendu. Puis même au début de l'année, Yannick nous a dit. Vous allez faire moitié-moitié jusqu'à Noël, puis après ça, on va voir. Fait que, tu sais, juste là, je m'attendais un peu à gauler quand même. Il n'y avait pas de pression d'être numéro 1 ou pas. Fait que, je pense que c'est le même que ça s'est passé. Là. OK. Là, Alex Chien mentionne que dans un dernier temps, il a la meilleure moyenne de buts alloués dans la Ligue de hockey junior du Québec. Mais malgré tout ça, il n'a pas été invité au défi Québec-Russie la semaine dernière. Et son nom n'est même pas mentionné pour être au camp d'entraînement d'équipe Canada junior. Et Alex Chien ne s'en fait pas avec ça. Ça ne m'a vraiment pas affecté parce que jamais j'ai été invité à des affaires comme ça. Puis je me faisais pas d'attente. Fait que non, mais je me doutais un peu qui allait y aller aussi. C'est souvent les mêmes. Puis eux aussi sont vraiment bons. Fait que non, je suis pas déçu. Je m'attendais à rien. Penses-tu que... Je termine avec le classement APOC selon le site classementapoc.com qui sert à déterminer les équipes en région. Donc, à noter que du côté du Bantam 2B, Ben, on retrouve les rapides de Dolbeau-Mistassini qui sont quand même du côté des rapides. On se trouve à être en 57e position. Les ambassadeurs de Spogamo sont en 66e position. Midget 2B, les Castors de Dolbeau sont en 50e position. Le Marcos Pop de Saint-Félicien en 60e place. Mais c'est les ambassadeurs de Spogamo qui est la meilleure équipe du coin. Les ambassadeurs qui sont au 39e rang. Et au niveau Junior 2A, on retrouve les Éperviers de Normandin au 26e rang de ce classement. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec plusieurs intervenants. On a parlé avec François Laberge, qui nous parle évidemment des Gaillards de Jonquière. On s'est également entretenu avec le gardien de but des Saguenay de Chicoutimi, Alexis Chang. Pierre Miquelon a bien connu Randy Tillman, le présentateur de nouvelles de CTV, qui est décédé en fin de semaine. Randy Tillman, qui était aimé de tous. Il lui rend hommage. Et vous pouvez écouter également Guillaume Gay des Sabres de Roberval. Sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.